And you know it is. LG, LG. Let's go. M4, baby. BBM music, baby. Yeah. The premiere. Let the beat drop, beat drop. Say that when you at the club, you're not looking for love. That's cool, cause me too, I just wanna fool. Put the table clear inside, cause I'm batata, but I don't do the shit. Vous savez ce que là, et nous t'en allons jouer, vous mettez le slow. Martino de la cam, le croissant te battez le tempo. Yeah, I'm ready, if you ready. I'ma show you that I'm sick with it. I'ma take your body, I'ma with it. And you don't need to know my name. N'est pas vous saper qui est une sale image. Dis qui danse ça. Ce n'est pas plein au lugar de ma chcoule. Donnez nos pots des flashs. C'est assez. Qu'a cris sur ta racha. Crivez pas ta casa. Qu'a cris sur ta racha. Okay, show me your one, two, step. Show me ma beau, yeah, propos des chaussettes, quelle rêche. No, te gêne pas, vontade, pour j'ai after fresh. J'm'abouche amiga, que un t'es amigo, peut-être. Check now, porque t'es mal accompagnado. No, j'ai rien sa mal, pregunta, bubista, echta flop. Nunca noté, falta para de t'endor una festa. Tout de bien, et c'est d'un club. Ma tcha tcha tcha, converge, tcha tcha, fala, asner, tcha tcha, mon strop, manera, comme te fazer. Tout le slow motion, we keep moving. S'pas senti un cosa dura, can you tell him of it? Crie pas vous saper qui intenção é mais de que dançar. Venez pas bien au lugar de mais cool. Donnez nos poder flashar. So assez. Qu'a cri sur ta racha. Yeah. Crie pas pra casa. Qu'a cri sur ta racha. Nanye kamak no ta dansa kizomba. Nanye kamak no ta dansa kizomba. Alright. Album de Quinada.